Section 88 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Chapitre 16, 5e partie. L'Empire mongol après Gengis Khan, suite, par Léon Kaoun. Conquêtes en Europe, intrigue pour la succession. La guerre de l'Ouest revenait de droit à Batou. Pour faire marcher le débonnaire, on lui envoya Sogoutaï comme directeur et son état-major comme conseil. Jamais conquérant ne fut si rudement mené que ce pauvre Batou. Sogoutaï le morigénait à tout propos. Ses cousins des branches cadettes le bafouaient, deux surtout, Gouyouk, un ivrogne, et Buri, un sabreur, la brutalité même. C'est le conquérant malgré lui. Au comble de la gloire, il se lamente, écrit au Khan Ogodaï, « Ô empereur, mon oncle, les 11 nations ont été soumises. Au retour de l'armée, un banquet a été convenu, tous les princes étant présents. Étant l'aîné, j'ai vidé une ou deux coupes de vin avant les autres. Buri et Gouyouk se sont mis en fureur, ont quitté le banquet, sont montés à cheval et m'ont vilipendé. Buri a dit « Batou n'est pas mon supérieur, pourquoi a-t-il bu avant moi ? C'est une vieille femme à barbe, je le renverserai d'un soufflet. » Gouyouk a dit « C'est une vieille femme armée, je le ferai bâtonner. » Un autre a proposé de m'attacher une queue en bois. Voilà le langage que tiennent les princes quand, après la guerre avec tant de nations, nous nous assemblons pour délibérer sur des questions sérieuses. C'était Sogoutaï qui faisait tout dans cette invasion de l'Europe orientale et centrale, qui fonda la domination mongole en Russie, humilia la chevalerie de Pologne, de Bohême, d'Allemagne et de Hongrie. Quel était l'effectif des armées mongoles qui marchèrent victorieusement depuis le Liak, Oural, et Litil, Volga, jusqu'au Danube et à l'Adriatique. Les chroniques mongoles, turques et chinoises donnent en tout 150 000 hommes. Le chiffre est suffisamment énorme si l'on tient compte de la masse de chevaux, de l'état des routes et de l'extrême pauvreté des pays parcourus. La merveille n'est point que Sogoutaï ait battu les Hongrois et les Allemands, mais qu'il ait réussi à conduire 100 ou 120 000 hommes de troupes réglées à travers la Russie, la Pologne, les Carpates, jusqu'au Danube et à l'Adriatique, et à les faire se rencontrer à point et à jour nommé. La grande masse des troupes employées venait de Chine, comme on le voit par les noms des corps, d'après ceux de leur chef. Kiev emporté, son défenseur Dimitri, prisonnier, les princes mongols essayèrent de se dérober. Mais Ingke et Gouyouk étaient dévorés d'anxiété. Le Khan était malade, on le savait. S'il allait mourir, si le Kurultai mené par les Chinois, ou par les Transoxiens, par les impératrices, c'est Courteny la chrétienne, la populaire, Tourakina l'énergique, et l'intransigeante Ogul Gaïmitch, brusquaient l'élection en leur absence. De son côté, Batou en avait assez de faire des conquêtes. Il n'était pas comme ses cousins batailleurs, Gouyouk, Mengk, et les petits cousins Kaïdou, Baïdar, Buri, des enragés, affolés de guerre qui ne demandaient que plaie et bosse, et ne juraient que par Sogoutaï. Le débonnaire cherchait sournoisement à s'en aller. Le premier, Mengk, réussit à s'échapper. Gouyouk ne déserta qu'après la victoire. Batou resta sous la main de fer et dut marcher, bon gré mal gré, suivre la consigne que lui imposait respectueusement son terrible serviteur, Sogoutaï le soldat. Ce que le soldat voulait, c'était la soumission absolue du Kipchak, du Bulgare, du Magyar. C'eût été une honte nationale de ne pas aller jusqu'au bout, de ne pas soumettre les Essaims qui avaient émigré de la Grande Hongrie, de la Grande Bulgarie, jusqu'au lointain pays de la Touna. Le débonnaire savait bien qu'il ne pouvait pas s'en aller. Ses troupes ne lui auraient pas obéi. Alors se fit l'invasion de la Hongrie, de la Pologne, de la Bohême, de la Silésie, de la Moravie, de l'Illyrie jusqu'à l'Adriatique. Les Mongols coururent jusqu'à Udine. Les Vénitiens, si près d'Udine par terre, n'eurent pas l'ombre d'émotion. Ils savaient à quoi s'en tenir. Mais que l'empereur allemand soit resté si tranquille, mais que les Mongols n'aient pas marché sur Vienne et que tout se soit borné entre les impériaux et eux à des escarmouches qui ont l'air d'être réglées d'avance, et où le grand chef tatar fait prisonnier est un templier anglais, voilà le mystère que je donne à expliquer aux chercheurs. L'élection de Guyuk. Le 11 décembre 1241, Ogodaï mourut. Quand la nouvelle fut officielle en Hongrie, soit en mars 1242, il ne fut plus possible d'y retenir Batou. Subutai lui-même le reconnut et prit ses mesures pour l'évacuation du pays, depuis l'Adriatique et les marches de Trévise jusqu'au Dniester. L'Europe étant vaincue, le Khan étant mort, l'honneur du drapeau sauf, il n'avait plus qu'à obéir à son seigneur, le Sein Khan. Toutefois, il fallait qu'il n'y eût pas même l'ombre d'une apparence pouvant laisser à supposer qu'on reculait. Pendant que le gros de l'armée évacuait à petite journée, derrière Batou, parti le premier avec sa garde, Kadan et Kaïdou, par ordre, firent un mouvement offensif vers l'ouest et mirent tout à sac pour prouver que les Mongols s'en allaient parce qu'ils le voulaient bien. Ils proclamaient à corps et à cri qu'ils faisaient grâce à l'Allemagne. Personne ne s'y trompa. Tout le monde comprit l'insulte à l'Empire teutonique qu'il dédaignait de conquérir. Quod asperna bandur expugnare. L'empereur ne bougea pas. Le pape prit son parti et envoya une ambassade au Khan. Les lettres de créance de Jean de Plancarpin, légat du pape auprès du Khan, sont datées de Lyon. Trinonas Martii, anno 1245. L'élection de Guyuk comme Khan n'eut lieu qu'en août 1246. Innocent IV a donc dû prendre son parti d'envoyer un légat à Karakorum dès 1243, au moment même de l'évacuation de la Bulgarie, et il est probable que l'ambassade était en projet dans l'esprit de son prédécesseur, Grégoire IX. Comme la papauté avait temporisé pour la croisade, elle temporisa pour l'ambassade jusqu'au succès définitif des Mongols. Le légat, qui n'était pas arrivé à temps pour faire des remontrances aux barbares pendant qu'ils dévastaient l'Europe, se trouva présent, à l'heure exacte, au couronnement triomphal de leur empereur et rehaussa de sa présence la pompe de cette extraordinaire cérémonie. Il y avait là, présent au Kouriltai, dans ce camp du drap d'or, Sira Ordou, un monde de rois, de princes, d'ambassadeurs, les uns venus en solliciteurs, les autres en négociateurs, tous pleins d'angoisse. Il y avait aussi à côté l'un de l'autre le légat du calife de Bagdad, du pape de l'islam et le légat de l'apostoile de Rome. Du pape de la chrétienté, frère Jean de Plan de Carpin, avec son interprète, frère Benoît de Pologne. On n'y vit pas longtemps le glorieux vieillard dont l'épée mettait au pied de l'empereur mongol cette assemblée de rois. Les fêtes n'étaient pas encore terminées que Subutai montait à cheval pour prendre le commandement de l'armée dans le sud de la Chine. Il remporta ses dernières victoires sur le fleuve Bleu, 1247-1248, puis, se sentant fatigué, il demanda son congé et retourna mourir paisiblement sous sa yourte, sur son coin de pré, là-bas, dans le nord, au bord de la Toula. De la Corée au Frioul, il avait vaincu 32 nations et gagné 65 batailles rangées. Parmi les hautes autorités présentes aux cérémonies de couronnement, il faut encore nommer l'impératrice chrétienne Serkunteni, l'impératrice Turakina, la princesse Ogul Gaimish, femme de Goyouk. Ces dernières, à elles deux, conduisirent l'élection. Turakina mourut 2 mois après, triomphante. Élection de Mönck, puis de Kubilai, triomphe du parti chinois. Quand le parti chinois l'emporta, 1252, après la mort de Guyuk, et fit élire Meng, son premier acte fut de mettre en accusation Ogul Gaimish. Elle fut condamnée à mort avec les princes de la maison de Godai. Le petit-fils de Godai, Kaidu, élève du grand Subutai, n'accepta pas la proscription, protesta. On parvint à l'apaiser en lui donnant Amalik et la Pentapole. Mais, en 1264, Meng que mort, Kubilai, proclamé au détriment de son cadet Arik Buka, qui était le véritable Hoch Dijin, et par conséquent l'héritier légitime, le batailleur Kaidu prit les armes, entraîna son cousin Arik Buka, qui hésitait. La douairière Serkuteni n'était plus là, ni Massoud Yelvaj, fils de Mahmoud, ni les Yelou, ni les vieux capitaines, ni les vieux conseillers, pour faire respecter les traditions. La guerre civile éclata. Elle se termina par le triomphe de Kubilai, par l'installation de la capitale à Pékin, Khan Balik, capitale impériale. En 1271, après de longs tâtonnements, après un essai pour faire accepter dans l'Empire une écriture nouvelle, commandée au lama tibétain Pagpa, Kubilai adopte l'écriture chinoise dans sa chancellerie, la religion bouddhique dans ses cérémonies, les rites chinois à sa cour, le nom chinois de Shih Tzu pour sa personne et le titre chinois de Yuan pour sa dynastie. La vieille prophétie était accomplie, le Kut Dag, la montagne du pouvoir, était transporté du vieux pays Ouïghour en Chine, de Karakorum à Pékin. Les Chinois ont sur Kubilai une anecdote mélancolique. Lorsque son splendide palais de Khan Balik fut achevé, il fit semer dans une cour les graines des steppes et montrant à ses enfants cette minuscule prairie, captive entre des murailles, il leur dit « Souvenez-vous de vos ancêtres. Gardez ce pré, c'est l'herbe de modestie. » La part de Hulagu, conquête de la Perse. Par l'élection de Kubilai, on ne frustrait pas seulement Arik Buka, mais aussi Hulagu, frère cadet de Kubilai. On s'en débarrassa en lui donnant une magnifique compensation, l'Occident musulman à conquérir. Avec beaucoup de sens politique, le parti musulman national, qui avait encore la tradition des Yelvaj, accepta ce projet chinois et chrétien, le servit de toutes ses forces. Le prétexte officiel de l'expédition de Hulagu, fait pour plaire aux musulmans orthodoxes, fut le scandale des Ismaéliens ou assassins. Feu le cadi des cadis, Shems Endin, de la ville de Qazvin, se trouvant à la cour de Meng, parut un jour devant ce prince, couvert d'une cuirasse, et protesta que, dans la crainte d'être exposé aux coups des Ismaéliens, il portait constamment cette armure sous ses habits. Pour les chrétiens, on se servit d'un rapport de Baichu Noyan, le général mongol qui guerroyait en Roum contre les Seldjoukides et qui venait d'accueillir les ambassadeurs du pape, frères Asselin, Simon de Saint-Quentin, Guichard de Crémone et André de Longjumeau. Un plan de conquête fut proposé par Meng en personne à Sur Rachid. Ce prince se dit à lui-même que l'univers ayant une immense étendue, il devait envoyer vers chaque royaume un de ses frères. Tandis que lui-même, placé au centre de son empire, dans les anciennes demeures des Mongols, tranquille et triomphant, partagerait son temps entre les plaisirs et le soin de rendre la justice à ses sujets. On voit poindre l'idée chinoise d'un empire du milieu. La consigne que donne Meng à son frère est tout à fait caractéristique. Tu vas te rendre dans la contrée de Touran, dans les provinces de l'Iran. Les coutumes et le yassak de Chinggis Khan, dans leur ensemble et leur moindre partie, impose-les depuis les bords du Jeidun, à Moudiaria, jusqu'à l'extrémité du pays d'Égypte. Ne manque pas, dans toutes les circonstances, de consulter Dokuz Khatoum et de prendre son avis. Pour bien faire comprendre l'importance de ces derniers conseils, la soumission à Dokuz Khatoum, je donne ici des fragments de la notice que le musulman Rachid, dans un livre écrit par les musulmans, consacre à cette princesse. Elle appartenait à la grande nation des Kéraïtes, était fille de Hikou, fille d'Onkan. Comme les Kéraïtes avaient depuis longtemps embrassé le christianisme, Dokuz Khatun s'attacha constamment à protéger les chrétiens qui, durant toute sa vie, furent dans une situation florissante. Oulagou, pour faire plaisir à cette princesse, comblait les chrétiens de ses bienfaits et des témoignages de sa considération. C'était au point que dans toute l'étendue de l'Empire, on élevait journellement de nouvelles églises et qu'à la porte de l'Ordou de Dokuz Khatun, une chapelle était constamment établie et qu'on y sonnait les cloches. Le général qui commandait l'armée mongole, le Naïman Kitbuka, était chrétien. En même temps que l'avant-garde de Kitbuka marchait contre le calife, les envoyés du Khan allaient trouver Saint-Louis en Chypre. Le bon roi, auquel l'empereur de Chine, la première puissance militaire du monde, offrait son alliance ferme contre les musulmans, avec promesse de céder la Syrie à la France, répondit à cette ambassade par l'envoi d'une belle petite chapelle, avec deux moines, pour chanter les messes devant Haus. Saint-Louis s'attira pour réponse une lettre des plus cavalières, où le Khan le traite en vassal. Et sachiez qu'il se repentit fort quand il y envoya. La candeur de Saint-Louis, l'inintelligent bigotisme du moine Rubruquis, envoyé par lui à Munch, l'étroitesse de jugement et d'information qui éclate à chaque ligne dans sa relation pleine de mots spirituels mais vide de sérieux, sauvèrent l'islam, étranglé entre la croisade française et la Mongole. Profitant de cette énorme faute des croisés, tout ce qui haïssait les Mongols, Jean du Kipchak, déporté par Soubutaï, dernier combattant de Jalal ed-Din, reflua en Égypte, accourut sous l'étendard musulman contre les Français, dont ces vieux routiers ne pouvaient pas croire qu'ils ne fussent les alliés du Khan. Ce furent eux qui vainquirent à Mansoura, 1250. Joinville se les rappelle bien, leur drapeau vermeil dentelé à la chinoise et les queues de coutasse au bout de leur tougue. Pendant que la croisade de Saint-Louis avortait en Égypte, celle de Dokuz Khatun emportait tout en Perse, en Roum, en Mésopotamie, en Syrie centrale. Les Ismaéliens étaient écrasés, leur nid d'aigle d'Alamout enlevé, la Perse conquise, Bagdad mis aux abois. Le dimanche quatrième jour du mois de Safar de l'année 656, 1258, le calife sortit de Bagdad. Il avait avec lui ses trois fils et 3000 personnes, Seïds, Imams, Kadis. Il se présenta devant Oulagou, qui ne témoigna aucune colère, et lui adressa des questions avec douceur et bienveillance. Après quoi, il lui dit « Ordonnez aux habitants de Bagdad de déposer leurs armes, afin que nous fassions le recensement. » Le calife dépêcha un député qui proclama dans les rues de la ville que la population jeta ses armes et sortit des murs. Les habitants désarmés venaient, par troupes, se livrer aux Mongols, qui les massacraient immédiatement. La dernière dérision fut de loger le pape musulman au quartier du chrétien Kitbuka, parmi les prêtres nestoriens, à côté des lamas bouddhistes. Le soir du mercredi 14 Safar, le calife fut mis à mort. Avec son fils aîné et 5 eunuques qui ne l'avaient pas quitté, on égorgea sans pitié tout ce que l'on put trouver de membres de la famille d'Abbas. Seul, Mobarek, le plus jeune des fils du calife, dut sa grâce aux prières d'Ojai Khatun et fut envoyé par cette princesse à Maraga. Il épousa une femme mongole. Conquête de la Syrie, Bibar l'albellétrier. La Syrie ne tarda pas à être conquise avec Alep et Damas, 1260. Mais les Kipchaks, les Karzémiens, du sultan d'Égypte Seyd ed-Din Qutuz, battaient Kitbuka, près d'Ain Jalud, en Palestine. Celui qui commandait ces musulmans sous les ordres de Qutuz, c'était un aventurier du Kipchak, Bibars, la panthère, surnommé le Bodonkar, l'arbalétrier, que les Vénitiens avaient acheté aux Mongols et vendu aux Mamelouks. Vainqueur pour la foi, la panthère poignarda son maître, prit à sa solde les derniers assassins traqués par les Mongols, abattit les églises que la dévote Dokuz Khatun avait fait bâtir en Syrie, chassa les francs de Césarée, Arsuf, Jaffa, Antioche, inventa coup sur coup deux pseudo-califes dont il se défie dès qu'il le génère. Contre les Mongols, il suscita le plus dangereux ennemi qu'ils puissent avoir, c'est-à-dire eux-mêmes. Ses agents convertirent à l'islam le khan du Kipchak, Béréké, frère de Batou, 1262. Entre l'Empire mongol de Perse et l'Empire mongol de Russie, la guerre éclata, fut apaisée par le khan de Pékin, puis, comme Pékin était bien loin, reprit. La lutte commençait entre le Yassak, loi nationale mongole, et le Shériat, loi religieuse musulmane. L'empire national, fondé par le Tchingis Khan, allait se disloquer en divisions territoriales et en groupes confessionnels. Fin de la section 88. Fin de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 2e, L'Europe féodale, les croisades, 1095-1270, publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud.